Personne est venu me sauver de ma noyade. Alors maintenant j'arrache les boyaux et à Paname je taillade. On m'a cru mort au départ, puis j'ai fait cesser l'écho. Moi le guépard des terres noires de CCSECO. Tu sais dans le rap, y'a eu un putain de crash boursier. On a rendu des contrats, ils l'ont tous appris par coursier. C'est eux, ils ont voulu s'enlacer avec un piton. Ils ont voulu faire des étincelles à côté du bidon. Ça c'est pour ceux qui avaient des jantes chromées qui étaient au top, qui en ont trop fait, qui sont passés vite fait du hit au flop. À l'heure qu'il est, ils ne savent pas, mais ils rappent devant leur tombe. Y'a de l'urine dans les pampers dont il est revenu dans la ronde. Je sais j'ai une fille de chien mec, mais c'est la mienne. On ne pourra jamais extirper ma haine, même par césarienne. Bientôt les Miss France vont savoir ce qu'on skip contenait. Je sais cette phase va sûrement heurter Madame de Fontenay. J'ai mal à l'estomac, on m'a fait avaler un rap avarié. Avec tous ces rappeurs qui ont des cartouches dans le barillet. Dans le rap en fait, y'a beaucoup trop de chats gouttières qui se prennent pour des tics. Dans leur enfance ils ont trop souffert. Ceux qui toucheront la lune, tu sais y'en aura pas des millions. Et les trois quarts ne verront jamais la première division. Ça devient dur, j'ai rajouté à trois ma ceinture et sur mon portrait j'ai rajouté un sourire à la peinture. C'est d'un rêve que tout est parti, c'est le rap de Paris. Disque d'or après la sortie, c'est le rap de Paris. Ça devient dur maintenant ça rame, c'est le rap de Paname. Ça va sans ton cache et ta lame, c'est le rap de Paname. C'est d'un rêve que tout est parti, c'est le rap de Paris. Disque d'or après la sortie, c'est le rap de Paris. Ça devient dur maintenant ça rame, c'est le rap de Paname. Ça va sans ton cache et ta lame, c'est le rap de Paname. Hey, t'as vu ici cette putain de rue me donne la migraine. Et j'ai pas pris la mer du Nord pour entendre le chant des sirènes. On m'a dit que dans le rap y'avait de l'or pour charger mes couilles. On m'a parlé d'un trésor, de suite j'ai entamé les fouilles. Moi j'ai arrêté de planer, la rue est trop réelle. Y'a qu'une escroquerie qui paiera mon CLS. J'voulais briller, tu sais, comme un rubis, comme diamant. Mais là, le succès voulait pas être ami ni amant. Pourtant la musique me drague, elle est si belle. Mais dans la rue, ceux qui l'ont baisé me disent qu'elle est infidèle. J'm'inquiète pas, je sais qu'un jour elle finira dans ma cave. Et si j'ai tant de haine, c'est parce qu'il y a de la rage dans ma bave. De toute façon, j'ai interrogé avec un gun tous les devins. Ils m'ont tous dit que j'aurais jamais ma statue au musée Grévin. Je me suis quand même promis de graver mon époque au fer et ensuite qu'on m'enterre dans une pyramide au Caire. C'est un rêve que tout est parti, c'est le rap de Paris. Disque d'or après la sortie, c'est le rap de Paris. Ça devient dur maintenant ça rame, c'est le rap de Paname. Ça va sans ton cache et ta lame, c'est le rap de Paname. C'est un rêve que tout est parti, c'est le rap de Paris. Disque d'or après la sortie, c'est le rap de Paris. Ça devient dur maintenant ça rame, c'est le rap de Paname. Ça va sans ton cache et ta lame, c'est le rap de Paname.